Chapitre 8e. On toucha la fin de septembre. La forêt, occupée à échanger ses habiletés contre son costume d'automne, s'enveloppait depuis quelques jours dans le voile de brouillard blanc. C'était comme une toile de théâtre tendue entre elle et les spectateurs. Un matin enfin, le rideau se leva et laissa admirer la magnificence du nouveau décor. Le ciel d'un bleu fin, les prés semés de veilleuses lilas, les lisières où les pommiers sauvages et les alisiers détachaient sur les fonds bruns ou violets leurs bouquets de feuilles empourprés. Les bois retentissaient des aboiements des chiens courants, et dans l'air plus sonore, les cloches du dimanche égrenaient gaiement leurs grappes de notes argentines. À la maison verte, où Antoine était venu de bonne heure, tout le monde ressentait l'influence clémente de cette lumineuse et blonde journée. Monsieur Latremblay était presque guilleret. Raymonde ne tenait plus en place. Madame Clotilde elle-même était tout miel et tout sucre. Une joie sourde et habilement contenue amollissait l'âpreté de sa voix, arrondissait les angles de son caractère et assoupissait ses rancunes. « Où vont tous ces gens dimanchés qui montent vers les bois de Charbonnières ?» s'écria Raymonde, qui avait mis le nez à la fenêtre. « C'est aujourd'hui la Saint-Michel, » répondit Antoine, « et ils vont sans doute au rapport d'Amoret. » « Et qu'est-ce que ce rapport ?»« Une fête patronale qui se célèbre en plein bois. » Près d'une source plus ou moins miraculeuse, on y vient de fort loin. Père, dit brusquement Raymonde, en se précipitant vers M. Latremblay, qu'elle prit par le cou, si tu étais gentil, tu ferais atteler et tu nous conduirais au rapport. Cette promenade te plairait-elle, ma chère amie? Demanda timidement Latremblay à Mme Clotilde. Vous savez bien que le grand air m'énerve et que les chaos me donnent la migraine. Mais vous pouvez y aller sans moi. M. Verdier vous pilotera. Ne vous attardez pas seulement et rentrez avant la nuit. Une demi-heure après, l'Américaine roulait lentement sous bois et gagnait tout en cahotant la route forestière qui descend vers le bal d'Amoret. Raymonde s'était faite belle, et un petit chapeau de feutre rond, coquettement posé sur ses opulents cheveux roux, donnait à sa figure un air cavalier. Elle s'était assise sur le siège de devant, près du domestique, et de temps à autre, quand la voiture frôlait les talus du chemin étroit, elle cueillait la volée des cornouilles et des alizes, puis elle tournait son blanc visage vers l'enfoncement de la capote où M. Latremblay devisait avec Antoine, et elle leur jetait en riant des poignées de baies rouges et de feuilles vertes. Quand la voiture fut au fond du ballon, des rumeurs lointaines leur annoncèrent que la fête était dans son plein épanouissement, et tout d'un coup, à un tournant de la route, la combe des moulineaux s'évasa devant eux. À droite et à gauche, de hautes futaies aux arbres élancés encadraient de leurs profonds massifs circulaires la prairie où se tenait le rapport. Sur l'herbe rase, piétinait et s'agitait une foule bariolée et bruyante. Des hommes buvaient, rangés sur les bancs d'un cabaret improvisé. Des femmes aux bonnets d'étoffe violette, bordées de dentelles noires, s'attroupaient autour d'une dizaine d'échoppes où l'on vendait des chapelets, des médailles et des échaudés. Des enfants s'accrochaient à leurs jupes et jetaient des regards de convoitise sur les étalages de pain d'épices. Plus loin, deux joueurs de violon, perchés sur une estrade, faisaient sauter au son de leur orchestre criard la jeunesse des villages voisins. Là était vraiment la vie et le beau de la fête. Les filles, parées de leurs plus jolies robes et de leurs fichus le plus pimpants, coiffées de bonnets de linge à rubans de couleur, dansaient avec des mouvements calmes, des airs sages et des yeux sournoisement baissés. Les garçons, le chapeau sur l'oreille, la blouse neuve négligemment ouverte, laissant voir le gilet des dimanches, avait le geste le plus déluré, le port droit, la mine provocante. Après chaque figure, ils enlevaient leur danseuse à bras-le-corps, puis la reposaient à terre avec un cri joyeux. Il y avait quelque chose de sain dans ce rire plein et sonore. Ils s'envolaient par larges éclats jusque sous les futaies de hêtres, dont la grande ombre fraîche s'allongeait lentement et progressivement vers le bal, comme pour avertir les danseurs de la fuite du temps et de la brièveté des joies humaines. Parfois, un couple se détachait de la danse et montait vers les bouquets de tremble où la source miraculeuse glissait en nappe claire sur des gradins naturels et finissait par se creuser un réservoir dans le tuffeau. La principale propriété de cette eau calcaire consistait à pétrifier lentement les racines et les mousses sur lesquelles elle coulait. Mais de cette vertu, la jeunesse campagnarde se souciait médiocrement et la croyance populaire lui en attribuait une autre plus merveilleuse, celle de prédire aux filles si elles se mariaient promptement. La consultation de l'oracle se pratiquait de la façon suivante. On jetait une épingle dans le réservoir. Si elle coulait à fond en ligne droite, les épousailles devaient se faire dans l'année. Mais si elle déviait, entraînée par le courant, adieu la noce, et la jeune fille risquait fort de coiffer Sainte Catherine. Antoine avait expliqué à Raymonde les vertus de la fontaine. « Et moi aussi, dit-elle, je veux tenter l'épreuve. » Elle s'approcha du réservoir, détacha une épingle de son corsage et la laissa tomber de haut sur la surface limpide. Sans hésiter une seconde, l'épingle descendit perpendiculairement et alla se poser au fond de la source où des centaines de ses sœurs scintillaient déjà. « Bon, » murmura la jeune fille, comme si elle lui répondu à une pensée intime, « le beau présage. L'important n'est pas de savoir si on se mariera, mais qui on épousera. » Elle se retourna vers Antoine et vit les regards pénétrants du jeune homme fixés sur elle. « Ceux qui consultent l'oracle, » répondit son compagnon, « sont probablement mieux fixés que vous sur ce dernier point. C'est pourquoi le premier seul les intéresse. » Raymonde rougit et, sautant sans répondre dans le sentier, revint lentement près du bal. Quand elle entendit les violons et vit tournoyer les danseurs, une nouvelle fantaisie la prit et se rapprochant d'Antoine. « Je parie que vous n'avez jamais dansé. Jamais. Eh bien, reprit-elle, essayons, voulez-vous ? » Il eut beau s'en défendre et protester qu'il brouillerait tout. Elle insista si bien qu'il finit par obéir. Il s'était déjà mis en quête d'un vis-à-vis quand M. La Tremblay intervint. Le tintamarre de la fête lui agaçait les nerfs. Il se sentait fatigué et ne tenait plus sur ses jambes. « Le cheval s'impatiente, » répondit-il aux exclamations indignées de sa fille. « Il se fait tard. Nous avons promis de rentrer avant la nuit. »« Quel ennui !» s'écria Raymonde. « Si tu étais gentil, tu remonterais tranquillement en voiture, le cheval s'en reviendrait au pas, et sitôt notre contenance finie, nous te rejoindrions par la traverse. » Monsieur La Tremblay trouvait que cet arrangement laissait beaucoup à désirer. Mais il n'avait jamais su dire non une fois dans sa vie, et cédant aux câlineries de sa fille. « Mauvaise tête » murmura-t-il, « fais donc ce que tu veux, mais n'oublie pas ta promesse. La voiture ira au pas, et je t'attendrai à la montée. Je vous la recommande, monsieur Verdier. » Dès que l'Américaine eut repris lentement la route de Vivet, « Maintenant, dansons !» s'exclama Raymonde en s'élançant au milieu du bal. Le grand air, le soleil d'automne, le bruit de la fête, la pensée d'être seule avec Antoine au milieu de la foule, toutes ces choses la surexcitaient fortement. Ses yeux bruns pailletés d'or étincelaient, ses lèvres souriaient, et sa taille souple se balançait doucement en suivant le rythme accentué des violons. « Chaîne des dames !» criait la voix nasillarde de l'un des joueurs. Elle ramassa lestement les plis de sa jupe, s'avança vers la paysanne qui le faisait vis-à-vis et lui tendit gaiement la main. Les couples se mêlèrent, les mains se nouèrent et se dénouèrent en cadence. L'apparition de cette belle jeune fille en toilette de ville n'avait pas manqué de piquer la curiosité des paysans. On formait le cercle autour d'elle et les commentaires allaient leur train. Tout en exécutant gauchement un cavalier seul, Antoine entendit derrière lui une paysanne chuchoter à sa commère. « N'est-ce pas la demoiselle de la maison Berthe ?»« Oui, et le garçon qui l'accompagne est le fils Verdier, d'Aubrive. » Il est donc devenu son bon ami. On m'avait dit qu'elle avait M. de Préfontaine pour galant. Gars, mamie, elle en aura changé. Galop ! Cria de nouveau le violonneur. Les couples se croisèrent, pirouettèrent, et Antoine ne put saisir le reste de la conversation. C'est fini, hélas, soupira Raymonde en ébauchant une révérence devant son danseur. Il faut partir, répondit brièvement le jeune homme, et il ajouta qu'il croyait plus sage de suivre de nouveau la route forestière. « Non pas !» répliqua la jeune fille en rajustant sa coiffure. « Il n'y a rien d'ennuyeux comme de revenir par le même chemin. Prenons un travers bois. Ne connaissez-vous pas un sentier ?» Antoine objecta qu'en 7 ans, la physionomie du bois avait changé. Les coupes étaient devenues des taillis et les sentiers avaient pu disparaître dans le fourré. Mais elle ne voulut rien entendre. Ils longèrent la prairie jusqu'à la ferme d'Amoret et s'engagèrent dans un chemin d'exploitation qui coupait obliquement les hautes futaies de la réserve. Antoine était pensif et ne répondait que par monosyllabes aux questions de Raymonde. Les propos des deux paysannes lui trottaient dans la tête. Cette allusion à M. de Préfontaine l'avait frappé désagréablement. Il se rappelait avoir entendu Mme Clotilde mentionner vaguement ce personnage, mais ce nom, jeté au milieu d'une conversation banale, n'avait pas alors éveillé son attention. La remarque de la paysanne n'était probablement qu'un cancan de village, mais elle ne laissait pas de le troubler. Raymonde observait son compagnon du coin de l'œil et paraissait piqué de son humeur maussade. « Vous êtes soucieux ? » lui demanda-t-elle enfin. « Qu'avez-vous ? » Antoine releva la tête et fixa sur la figure franchement épanouie de la jeune fille de longs regards questionneurs. « Mademoiselle Raymonde, » répondit-il après un moment de silence, « l'autre soir, quand Madame la Tremblette entrait dans la bibliothèque, vous étiez sur le point de me dire quelque chose qui semblait vous concerner particulièrement. Du moins, j'ai cru lire cela dans vos yeux. Me suis-je trompé ?» Elle restait muette et se bornait à creuser dans la terre molle du sentier de petits trous avec le bout de son ombrelle. Il reprit. « Si réellement, vous m'avez jugé digne de votre confiance, pourquoi ne profiteriez-vous pas de ce que nous sommes seuls pour me faire part de ce que vous vouliez me confier ? Est-ce que le silence et le demi-jour de cette futaie n'invitent pas à l'expansion aussi bien que la bibliothèque de la Maison Verte ?» La mobile physionomie de la jeune fille traduisit par une moue expressive l'embarras où la mettait l'insistance de son compagnon, mais ses lèvres ne se desserrèrent pas. La brusque intervention de Madame Clotilde semblait avoir paralysé le bon mouvement qui avait poussé Raymonde, quelques jours avant, à tout avouer à celui qu'elle aimait. L'occasion propice s'était enfuie. Maintenant elle était craintive, indécise. Elle songeait qu'elle avait devant elle une heure d'intimité délicieuse, et lui coûtait trop d'en troubler la douceur par une révélation désagréable. Le regard d'Antoine l'intimidait et l'irritait par sa persistante fixité. « Voyons, » poursuivit le jeune homme, « prenez-moi pour confesseur. » « Je n'ai rien à confesser, » répondit-elle en détournant la tête, et elle ajouta avec un rire un peu forcé. « En bonne conscience, je ne puis inventer des péchés. » Antoine fronça les sourcils et repartit d'un ton piqué. « Naturellement, je ne vous demande pas d'inventer. D'ailleurs, je reconnais que je n'ai aucun droit à devenir le confident de vos secrets. « Pourquoi insistez-vous alors ? » s'écria-t-elle. « Qui peut vous faire supposer que j'ai les secrets ? » « Qui, vous-même ? Moi ? Oh ! Oui, vous, ou du moins... » l'expression inquiète de votre figure si peu faite pour la dissimulation. » Il se rapprocha d'elle, et d'un ton plus pressant, « Rappelez-vous notre entretien dans la bibliothèque, et dites-moi, quoi ?» Les yeux d'Antoine étaient tombés sur les poignets de la jeune fille, dont de larges manchettes laissaient voir les blanches attaches nues. « Dites-moi par exemple, » reprit-il, « d'où venait ce bracelet orné d'une pensée que j'ai retrouvée dans la source de la tillaille ?» Prise au dépourvu par cette demande, Raymonde rougit et sa perplexité augmenta. La question aplanissait cependant singulièrement la voix des aveux. Fallait-il parler et conter par le menu la ridicule histoire des amours d'Haussmann ? La confession était humiliante, outre qu'elle risquait d'être prise de travers. L'idée d'avoir été en concurrence avec un pareil rival pouvait effaroucher Antoine et à leur adieu les beaux rêves de tendresse. Adieu la conquête de ce cœur d'élite dont elle épiait avec un doux frisson la sympathie grandissante. Cependant, il fallait répondre, car il venait de renouveler son interrogation. Elle s'en tira, comme toutes les femmes, par un faux fuyant. « Qu'est-ce que cela peut vous faire ? » murmura-t-elle, en essayant de prendre un ton plaisant. « Rien, vous avez raison, » répliqua-t-il, blessé de cette légèreté. Il se mit à taillader les broussailles à coups de canne et ils restèrent quelque temps silencieux. Le sentier était étroit, Raymonde ouvrait la marche, la tête basse, et si troublée qu'elle allait droit devant elle, sans s'inquiéter des nombreux sentiers qui croisaient le sien. Antoine, enfoncé dans sa mauvaise humeur, la suivait machinalement et ne songeait plus à s'orienter. « Vous êtes fâché ? » fit-elle en se retournant vers lui. « Moi ? Non. Seulement je m'aperçois que j'étais indiscret et je me tais. Vous voyez bien, vous avez de la rancune. Pourquoi attachez-vous de l'importance à des choses indifférentes ? Indifférentes ? Répondit-il en hochant la tête. « Est-ce que ces sortes de bracelets, qu'on nomme des porte-bonheur, ne sont pas considérés comme des bijoux intimes auxquels s'attache je ne sais quelle superstition sentimentale ? Affaire de mode, tout le monde en porte, et ce sont des objets sans conséquence. Même le vôtre, le mien, d'abord je ne le porte plus, il est laid et ridicule. Si les personnes qui vous l'a donné vous entendaient, elles ne seraient pas flattées, » reprit Antoine. « Vous n'avez pas l'air de tenir beaucoup à ce témoignage de son affection. » « Certes non. » répliqua-t-elle avec un rire nerveux et en rougissant de nouveau. Il remarqua son trouble et ne parut que médiocrement convaincu. « Avouez, » continua-t-il, avec un accent demi-ironique et demi-sérieux qui impatienta fortement Raymonde, « avouez que de la part d'un indifférent, il y a une fatuité singulière à offrir un bijou sur lequel on a fait graver « Pensez à moi », avec une fleur de pensée pour plus de clarté. Comment s'appelle-t-il, cet original ? Son nom importe peu, vous ne le connaissez pas. « Qui sait ? » poursuivit-il du même ton sarcastique. « Ne serait-ce pas monsieur de Préfontaine ?» Elle eut une violente palpitation. Pourquoi supposez-vous cela ? S'écria-t-elle effarée. Qui vous a parlé de lui ? Votre mère l'a nommé devant moi. N'est-il pas votre voisin et ne vient-il pas à la maison verte ? Oui. Pourquoi ne lui voit-on plus ? Il voyage. Toutes ces réponses étaient formulées avec une intonation brève qui indiquait un agacement profond. Il est un peu amoureux de vous. Convenez-en, reprit Antoine, dont la figure s'était rembrunie. C'est possible, je ne m'en souciais guère. Il vous l'a dit ? Elle se retourna brusquement, les yeux pleins de larmes, frappa du pied et d'une voix entrecoupée par l'angoisse et l'irritation. « Pourquoi me persécutez-vous ainsi ? » s'exclama-t-elle. « Où voulez-vous en venir avec cet odieux interrogatoire ? Vous me faites regretter de n'être pas remontée dans l'américaine. » Elle avait continué de marcher en parlant et tout d'un coup, elle poussa un cri de surprise. « Ah ! » fit-elle. « Eh bien, où va donc notre sentier ?» Ils avaient atteint de ces murs jets en pierre sèche qui couronnent quelques-unes des forêts de la montagne langroise, et à cet endroit le sentier, ou plutôt l'étroite tranchée dans laquelle ils se trouvaient, dévalait presque à pic au fond d'une gorge boisée. On voyait la sente pierreuse fuir entre deux colonnades de hêtres au fût blanchâtre, puis se perdre dans un moutonnement de feuillets. Nous avons pris un faux chemin, dit Antoine, et nous tournons le dos à la route. Raymond partit d'un grand éclat de rire, puis, sa figure passant rapidement de la gaieté à l'inquiétude, elle s'écria, d'un ton contrit, « Et ce pauvre père qui nous attend, que va-t-il penser ?»« Mes compliments, monsieur, vous êtes un bon guide. » « Qu'allons-nous devenir ?» Antoine examina la situation du ravin et commença à s'orienter. « Le courroie est sur la gauche, » reprit-il. « Une fois au hameau, nous rattraperons facilement le chemin de Vivet. Si vous n'êtes pas fatigué et si vous ne craignez pas pour votre robe, nous allons prendre un travers-bois. »« Allons, » fit-elle bravement. Au fond, elle bénissait cet incident qui avait mis fin au périlleux interrogatoire pendant lequel elle avait subi la question ordinaire et extraordinaire. Au bout d'un quart d'heure, ils se trouvèrent en plein taillis. Aucun sentier n'apparaissait encore. Antoine s'arrêta, aspira longuement l'air forestier et dit « Je sens l'odeur de la fumée de charbon. Nous devons être près d'une vente. Cherchons-la. Nous y trouvons quelqu'un qui nous remettra dans le bon chemin. » Ils marchèrent dans la direction d'où semblaient venir les âcres senteurs du charbon. Mais à mesure qu'ils avançaient, le taillis devenait plus serré. De grandes ronces enlacées à des buissons d'aubépine leur barraient à chaque instant le passage et s'accrochaient malicieusement à la robe de Raymond. Alors Antoine se baissait pour dégager de la grippe des épines la mince étoffe de foulard et tout cela prenait du temps. Le bois s'assombrissait déjà et bientôt les derniers rayons pourprés du soleil couchant s'évanouirent parmi les ramures confuses des hêtres. Au même moment, la jeune fille poussa une exclamation de dépit. Le volant de son jupon, cédant aux tenaces morsures d'un aigle entier, s'était décousu. Son pied était passé au travers, et elle était tombée, agrandissant encore la déchirure au milieu de laquelle sa jambe s'était engagée jusqu'au genou. « Vous vous êtes fait mal ?» s'écria Antoine. « Non, non, » répondit-elle en rougissant. « Ne regardez pas seulement, je saurais bien m'en tirer toute seule. » Elle se releva en effet, mais pour prévenir une nouvelle chute, elle fut obligée de prendre sous son bras tout un lambeau du malencontreux jupon, et il intima plus énergiquement encore à Antoine l'invitation de passer le premier et de ne point tourner la tête. Enfin, le fourré s'éclaircit, ils atteignirent une coupe de bois qui occupait tout un versant de la gorge, et virent aux lueurs du crépuscule flamboyer les rougeâtres clartés des fourneaux à charbon. C'était 8 hertres coniques qui étaient espacés à la file sur la pente récemment exploitée, où se dressaient encore les arbres de réserve, et où ça et là, les rondins empilés rompaient de leurs longues rangées grises la déclivité du sol. Tout autour, le taillis enserrait la coupe de ses masses immobiles, et au fond de la gorge, on apercevait un petit étang, dont l'eau calme, dans sa ceinture de jonc, reflétait les fines nuances vertes et roses du ciel crépusculaire. Près des fourneaux, les silhouettes noires des charbonniers se découpaient nettement, et au seuil d'une hutte de gazon, voisine de la lisière, la charbonnière berçait sur ses genoux un petit enfant en lui chantant une vieille chanson dont la traînante mélopée montait doucement dans l'air du soir. « C'est beau cela, » murmura Raymond en contemplant ce tranquille paysage forestier, discrètement lumineux, avec lequel s'harmonisait si bien la rustique complainte de la chanteuse. Antoine s'était abouché avec le maître charbonnier et s'informait de la route à suivre. « Vous êtes dans la vieille réserve, » répondit celui-ci, « à une portée de fusil de la coupe. Vous trouverez un sentier qui vous mènera au bon des ronces et de là à Vivet. Un de mes garçons va vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez dans le bon chemin. » Mais avant de se remettre en route, Raymonde, afin de pouvoir marcher sans embarras, voulut réparer le désastre de son volant. Il passa dans la hutte, défit lestement son jupon, emprunta une aiguille et du fil à la charbonnière, et vint s'asseoir sur un tronc d'arbre près du feu allumé en plein air. Elle était charmante ainsi, dans sa robe de foulard, dont la mince étoffe, privée du soutien des jupons, se collait à ses hanches et en dessinait traîtreusement les formes rondes et les courbes harmonieuses. Elle avait ôté son feutre. Les magnifiques boucles de ses cheveux aux teintes chaudes, se déroulant autour de son visage et de son cou, en faisaient ressortir la blancheur satinée, tandis que ses grands yeux fauves étincelaient aux lueurs du feu de branches sèches. « Voyez dans quel état se modifourait ma mise, » dit-elle à Antoine, qui s'était agenouillé dans l'herbe à ses pieds. « Suis-je assez ravagé ?»« Je ne vous ai jamais vue si belle, » murmura-t-il avec des regards enthousiastes. Il était de nouveau complètement sous le charme et se reprochait maintenant comme une brutalité son ridicule interrogatoire. En entendant sa voix grave, à laquelle l'émotion donnait une intonation caressante, la jeune fille ébaucha un joli sourire de satisfaction et faufila avec plus d'ardeur la tête de son volant. La charbonnière, les voyant occupés à causer, s'était rassise près de la hutte, son nourrisson entre les bras, et avait repris sa complainte. « Cet endroit me plaît, » dit Raymonde en coupant avec ses petites dents le fil du surjet qu'elle avait achevé. « Nous y reviendrons, n'est-ce pas ?» Elle se refugia de nouveau dans la hutte pour passer son jupon, puis, le désordre de sa toilette étant réparé, elle glissa une pièce d'argent dans la mignonne main du marmot endormi au giron de la charbonnière, et ils se mirent en route sous l'escorte de l'un des apprentis. Quand ils eurent retrouvé le sentier du bois des ronces, ils congédièrent leur guide et s'enfoncèrent lentement sous les ramures. La nuit était tout à fait venue, et c'était à peine si on distinguait la trace du sentier, tant une profonde obscurité régnait sous bois. De temps en temps, entre les branches emmêlées, une étoile scintillait bien haut dans le ciel. Parfois un jet, déjà assoupi à la fourche d'un coudrier, s'éveillait en sursaut et fuyait en jetant un cri aigu, puis tout retombait dans le silence. Eux-mêmes étaient devenus muets, chacun d'eux ayant assez à faire d'écouter en son fort intérieur les pensées attendries qui bourdonnaient mystérieusement. Une oreille exercée eût certainement pu compter dans la nuit les palpitations de leur cœur, tant les battements en étaient violents. Instinctivement, Raymonde s'était rapproché d'Antoine, et le jeune homme sentait par moments contre lui le frôlement des membres ronds et souples de sa voisine. À un endroit où le chemin se perdait tout à fait dans les ténèbres, il lui prit la main et ne la quitta plus. Les deux paumes se touchaient étroitement et se communiquaient leur brûlante moiteur. Cela dura quelques minutes. Tout à coup, la jeune fille, s'étant heurtée contre un arbre, se rejeta plus près d'Antoine et se trouva brusquement prise dans ses bras. « Raymonde, dit-il d'une voix sourde, je vous aime. Voulez-vous être ma femme ?» Elle était tellement saisie qu'elle n'eut pas la force de parler et qu'elle resta un moment immobile et blottie contre sa poitrine. « Vous ne répondez pas, » reprit-il. « Est-ce que ma question est encore indiscrète ?»« Non, » soupira-t-elle faiblement. « Mais j'étouffe. Laissez-moi respirer. » Il desserra les bras, et d'elle-même, elle lui abandonna ses deux mains. Puis, sans phrase, sans minauderie sentimentale, elle lui avoua simplement qu'elle l'aimait depuis longtemps, depuis le premier jour où elle l'avait vu. « Je suis si heureuse, » murmura-t-elle, « si fière que vous m'ayez deviné et aimé. » Antoine l'étreignit de nouveau, et la forêt profonde, pleine de ténèbres silencieuses, entendit le léger susurrement de leur baiser de fiançailles. Elle s'était appuyée à son bras, et ils se remirent à marcher à petits pas, causant avec cette effusion que produit la détente des nerfs après une émotion violente. Les arbres s'étaient éclaircis, une lueur grise glissa d'abord entre les branches, puis le ciel reparut avec son poudrement d'étoiles, et le chemin commença à descendre vers Vivet, dont on voyait la lumière scintiller tout au fond de la gorge. « Allons lentement, » murmura Antoine, « il fait si bon ici. Laissez-moi vous dire encore combien je vous aime. Craignez-vous d'être grondé ?»« Je crains surtout que mon père ne soit inquiet. Ma mère se fâchera bien un peu, mais je suis habitué à son humeur, et ses colères ne m'effraient pas. J'ai peur qu'elle ne me prenne en grippe, et qu'elle ne me ferme la porte au nez quand elle saura que je vais vous épouser. » « D'abord, nous aurons mon père pour nous, et puis moi, j'ai aussi une volonté. Ma mère le sait bien, et elle se gardera de me contrecarrer. Mais chez vous, que dira-t-on quand on apprendra que vous m'aimez ?»« Mon père et ma mère diront que je suis un heureux garçon, et quand ils vous auront vu, ils seront sous le charme. Et votre vieux monsieur Noël, lui, reprit Antoine en riant, il sera plus rétif, mais nous en viendrons à bout. » Bien qu'ils marchassent très lentement, ils n'en étaient pas moins arrivés au bas de la rampe, et déjà, devant eux, les masses sombres des tilleuls de la maison verte se découpaient sur le ciel. « Il y a un an, continua-t-il, je n'aurais pas osé vous proposer de partager ma vie. Mon avenir était trop incertain. Aujourd'hui, sans être riche, je puis offrir à ma femme une position honorable. Vous verrez, Raymonde, nous serons heureux. Voulez-vous que je parle dès ce soir à votre père ? Non, répliqua-t-elle vivement. Laissez-moi mener les choses et choisir le moment convenable. » L'image d'Haussmann, qui s'était depuis une heure évanouie de sa mémoire, venait d'y reparaître subitement. Elle ne songeait pas sans inquiétude à la façon dont elle s'y prendrait pour lui signifier son congé. Le retour prochain du gigantesque Préfontaine se présenta de nouveau à son esprit avec tout le cortège des récriminations pénibles et des explications désagréables. Elle ne se sentait plus aussi rassurée sur le dénouement de son aventure. Dans chaque arbre de l'avenue, il lui semblait voir le menaçant fantôme de son colossal amoureux. Un fantôme ? En était-ce bien un ? Où était-elle ? Le jouet d'une hallucination produite par la douteuse lumière qui pénétrait à grand-peine sous la voûte des arbres. Une forme étrange se détacha tout à coup d'un tilleul et sembla se mouvoir dans la direction des deux jeunes gens. En même temps, Raymonde entendit résonner à ses oreilles une voix de stentor, pareille à la trompette du jugement dernier. La grosse voix d'Haussmann de Préfontaine qui lui criait « Ah, enfin, c'est vous, mademoiselle Raymonde. La peste soit du rapport. Vous nous avez mis dans des transes et nous vous avons cru perdus au fond d'une fondrière. »